devenir ainsi. Car nos directs sont assistés. J'ai calé la tente dans la cité. C'est mes amis qui ont fini pisté. On a calé la tente dans la cité. C'est la foudre atomique. La frappe de l'Ocatone. Y'a des centaines de locs qui remontaient devant les yeux de la police. Des balles au décollé. Demain j'arrêterai, c'est promis. Des balles au décollé. Demain j'arrêterai, c'est promis. Ouais. Sur le terrain, j'suis trop sale. Ramène tes copines et on fera un trisome. Recherché par les bleus, j'suis caché chez bébé, c'est pas l'Uber qui sonne. Début de soirée, j'ai bu la vodka Q sec. Fin de soirée, j'ai encaissé le prix d'un Q5. Pour la queue bridée, ils veulent tous la recette. C'est comme Coca, j'la garde au frais, y'a moi qui tue ça. J'mets le Marocco sur l'oreille, j'suis reparti. Passe au quartier jusqu'à minuit, ça tartine. 3h du matin, j'suis foncé dans le parking. J'me gros au karting, j'fais des drifts, ça patine. Faut la qui court vite, faut demander au kef. Faut la qui court vite, faut demander au kef. Pendant que le samedi soir, t'allais en teuf. Va nous ravitailler toute la peur. J'ai calé la tôle dans la cité. Combien on finit ainsi? Car nos directs sont assistés. J'ai calé la tôle dans la cité. C'est mes amis qui ont fini pisté. On a calé la tôle dans la cité. C'est ta foudre atomique. La frappe de l'Ocatone. Y'a des centaines de locs qui remontaient devant les yeux de la police. Des balles au décolli. Demain j'arrêterai, c'est promis. Des balles au décolli. Demain j'arrêterai, c'est promis. Ton piston abonné. J'ai du pilon à donner. Y'a peut-être la mort à frôler. Dans la caisse affolée. Fais tourner le bédou. Mais dis-le si t'as mis un stick, enfoiré. J'ai loué le bédou. Sous le parking, les voisins me voient. T'as donné pour l'op. Ils finiront sous l'eau. Maintenant tu les connais. Après minuit sous l'air. On finit le boulot. Tu caches dans les souliers. Je repars en mer qu'on full up. On fait le sale boulot, ne fais pas la boulette. Non, t'es mort, tu vas te faire un boulot. Pas de chance comme la roulette. J'ai calé la tente dans la cité. Combien on finit ainsi? Car nos directs sont assistés. J'ai calé la tente dans la cité. C'est mes amis qui ont fini pisté. On a calé la tente dans la cité. C'est ta foudre atomique. La frappe de l'Ocatone. Y'a des centaines de locs qui remontaient devant les yeux de la police. Promis.